cet ancien Lourdes, cette ville de paix et de croyance, le seul berceau possible où la légende pouvait naître. Comme Pierre le reconstituait aisément en faisant le tour de la vaste toile du panorama. Cette toile disait tout, constituait la meilleure leçon de choses qu'on pût voir. Les explications monotones de l'employé ne s'entendaient pas. Le paysage parlait lui-même. D'abord, c'était la grotte, le trou de roche au bord du gave, un lieu sauvage de rêverie, des pentes buissonneuses, des écroulements de pierres, sans un chemin frayé. Et rien encore. Pas d'embellissement, pas de quai monumental, pas d'allée de jardin anglais serpentant parmi des arbustes taillés à la serpe, pas de grotte arrangée, déformée, fermée d'une grille, surtout pas de boutique d'objets religieux. Cette boutique de simonie qui était le scandale des âmes pieuses. La Vierge n'avait pu choisir au désert un coin plus charmant pour se montrer à l'élu de son cœur. La fillette pauvre, promenant là le songe de ses nuits pénibles en ramassant du bois mort. Puis c'était de l'autre côté du gave, derrière le rocher du château, le vieux Lourdes confiant et endormi. Un autre âge s'évoquait, une petite ville avec ses rues étroites, pavées de cailloux, ses maisons noires aux encadrements de marbre, son antique église à demi espagnole, pleine d'anciennes sculptures, peuplé de visions d'or et de chair peinte. Deux fois par jour, il n'y avait que les diligences de Bagnères et de Cauterets qui traversaient à gué le Lapaca, pour monter ensuite la raide chaussée de la rue basse. L'esprit du siècle n'avait pas soufflé sur ces toits paisibles, qui abritaient une population attardée, restée enfant, toute serrée dans le lien étroit d'une forte discipline religieuse. Aucune débauche, un lent commerce séculaire suffisant à la vie quotidienne, une vie pauvre dont la rudesse sauvegardait les mœurs. Et jamais Pierre n'avait mieux compris comment Bernadette, née de cette terre de foi et d'honnêteté, y avait fleuri telle qu'une rose naturelle, éclose sur les églantiers du chemin. « C'est tout de même curieux, » déclara M. de Guersin, quand on se retrouva dans la rue. « Je ne suis pas fâchée d'avoir vu ça. » Marie également riait d'aise. « Père, n'est-ce pas? On dirait qu'on y est. Par moments, il semble que les personnages vont bouger. Et comme elle est charmante, Bernadette, à genoux, en extase, pendant que la flamme du cierge lèche ses doigts sans laisser de brûlure. « Voyons, reprit l'architecte, nous n'avons plus qu'une heure, et il faudrait pourtant songer à faire nos emplettes si nous désirons acheter quelque chose. Voulez-vous que nous fassions le tour des boutiques? Nous avons bien promis à Majesté de lui donner la préférence, seulement ça ne nous empêche pas de nous renseigner un peu. Hein, Pierre, qu'en dites-vous? « Mais certainement, comme vous voudrez, répondit le prêtre. D'ailleurs, cela nous promènera. » Et il suivit la jeune fille et son père qui revinrent sur le plateau de la Merlasse. Depuis qu'il était sorti du panorama, il éprouvait une sensation singulière de dépaysement. C'était comme si, tout d'un coup, on l'avait transporté d'une ville dans une autre, à des siècles de distance. Il quittait la solitude, la paix endormie de l'ancien Lourdes, augmentée encore par la lumière morte du vélum, pour tomber brusquement dans le lourd de nouveau, éclatant de lumière, bruyant de foule. 10 heures venaient de sonner. L'animation était extraordinaire sur les trottoirs. Tout un peuple qui, avant le déjeuner, se hâtait de finir ses achats, pour ne plus songer ensuite qu'au départ. Les milliers de pèlerins du pèlerinage national, en une bousculade dernière, ruisselaient par les rues, assiégeaient les boutiques. On aurait dit les cris, les coups de coude, les galops brusques d'une foire qui s'achève, au milieu du roulement ininterrompu des voitures. Beaucoup se munissaient de provisions de route, dévalisaient les échoppes en plein air où l'on vendait des pains, du saucisson, du jambon. On achetait des fruits, on achetait du vin, les paniers se remplissaient de bouteilles, de papier gras, jusqu'à en éclater. Un marchand ambulant qui promenait des fromages sur une petite voiture voyait sa marchandise enlevée, comme balayée par le vent. Mais surtout, la foule achetait des objets religieux, et d'autres marchands ambulants, dont les petites voitures étaient chargées de statuettes et de gravures pieuses, réalisaient des affaires d'or. La clientèle des boutiques faisait queue sur la chaussée. Les femmes étaient enveloppées de chapelets immenses, avaient des saintes vierges sous les bras, emportaient des bidons pour les remplir à la fontaine miraculeuse. Ces bidons, de 1 à 10 litres, les uns sans image, les autres peinturlurés d'une Notre-Dame de Lourdes en bleu, ajoutaient une gaieté à la cohue, avec leur éclat de ferblanterie neuve, leurs clairs tintements de casseroles portées à la main, pendues en sautoir. Et la fièvre du négoce, le plaisir de dépenser son argent, de repartir les poches bourrées de photographies et de médailles, allumait les visages d'un air de fête, changeait cette foule épanouie en une foule de kermesse, aux appétits débordants et satisfaits. Sur le plateau de la Merlasse, Monsieur de Guersin fut tenté un instant d'entrer dans une des boutiques les plus belles et les plus achalandées, dont l'enseigne portait en lettres hautes ces mots « Soubirou, frère de Bernadette ». « Hein, si nous faisions nos emplettes, là, ce serait plus local, nos petits souvenirs auraient un intérêt de plus. » Puis il passa en répétant qu'il fallait tout voir d'abord. Pierre avait regardé la boutique du frère de Bernadette avec un serrement de cœur. Cela le chagrinait, le frère vendant la Sainte Vierge que la sœur avait vue. Mais il fallait bien vivre, et il croyait savoir que la famille de la voyante, à côté de la basilique triomphale dans son resplendissement d'or, ne faisait pas fortune, tellement la concurrence était terrible. Si les pèlerins laissaient à Lourdes des millions, les marchands d'articles de sainteté y étaient plus de 200, sans compter les hôteliers et les logeurs qui prenaient la grosse part, de sorte que les gains, si âprement disputés, finissaient par être assez médiocres. Le long du plateau, à droite et à gauche du frère de Bernadette, d'autres boutiques s'ouvraient. Une file ininterrompue de boutiques, serrées les unes contre les autres, qui occupaient les cases du baraquement de bois, une sorte de galerie construite par la ville et dont elle tirait une 60 000 francs. C'étaient de véritables bazars, des étalages ouverts, empiétant sur le trottoir, raccrochant le monde au passage. Sur près de 300 mètres, il n'y avait pas d'autre commerce. Un fleuve de chapelets, de médailles, de statuettes, coulant sans fin au travers des vitrines. Et les enseignes affichaient en lettres énormes des noms vénérés Saint-Roch, Saint-Joseph, Jérusalem, la Vierge Immaculée, le Sacré-Cœur de Marie, tout ce que le paradis contenait de mieux pour toucher et attirer la clientèle. « Ma foi !» déclara M. de Guersin, « je crois bien que c'est partout la même chose. Entrons n'importe où. » Il en avait assez. Cette file interminable d'étalage lui cassait les jambes. « Puisque tu as promis d'acheter là-bas, » dit Marie qui ne se lassait point, « le mieux est d'y retourner. »« C'est cela, retournons chez Majesté. » Mais les boutiques recommencèrent, avenue de la grotte. Aux deux bords, elles se pressaient de nouveau, et il s'y mêlait des bijoutiers, des marchands de nouveautés, des marchands de parapluies tenant l'article religieux. Même, il y avait là un confiseur qui vendait des boîtes de pastilles à l'eau de Lourdes, dont le couvercle portait une image de la Vierge. Les vitrines d'un photographe débordaient de vues de la grotte et de la basilique, de portraits d'évêques, de révérends pères, de tous les ordres, mêlés aux sites célèbres des montagnes voisines. Une librairie étalait les dernières publications catholiques, des volumes au titre dévot, parmi les nombreux ouvrages publiés sur Lourdes depuis 20 ans, quelques-uns avec un succès prodigieux, dont le retentissement durait encore. Dans cette grande voie populeuse, la foule coulait en un flot élargi. Les bidons sonnaient, c'était une joie de vie intense, au clair soleil qui enfilait la chaussée d'un bout à l'autre. Et les statuettes, les médailles, les chapelets ne semblaient devoir cesser jamais. Un étalage continuait l'autre étalage. Des kilomètres allaient ainsi s'étendre, dévidant les rues de la ville entière, occupées par le même bazar, vendant les mêmes articles. Devant l'hôtel des apparitions, M. de Guersin eut une hésitation encore. « Alors, c'est bien décidé, nous faisons nos emplettes, là. »« Mais certainement, dit Marie, vois donc comme la boutique est belle. » Et elle entra la première dans le magasin, un des plus vastes de la rue, en effet, et qui occupait le rez-de-chaussée de l'hôtel, à gauche. M. de Guersin et Pierre la suivirent. Apolline, la nièce des majestés, chargée de la vente, se trouvait debout sur un escabeau, en train de prendre des bénitiers dans une vitrine haute pour les montrer à un jeune homme, un brancardier élégant, porteur d'admirables guêtres jaunes. Elle riait d'un roucoulement de tourterelles, charmante, avec d'épais cheveux noirs, des yeux superbes, dans une face un peu carrée, au front droit, aux joues larges, aux fortes lèvres rouges. Et Pierre vit très nettement la main du jeune homme au bord de la jupe, chatouillant le bas d'une jambe qui semblait s'être offerte là volontiers. Ce ne fut d'ailleurs que la vision d'une seconde. Déjà la jeune fille était lestement sautée à terre en demandant « Alors, vous ne croyez pas que ce modèle de bénitier conviendrait à madame votre tante ?»« Non, non, » répondit le brancardier en s'en allant. « Procurez-vous l'autre modèle, je ne pars que demain, je reviendrai. » Lorsque Apolline sut que Marie était la miraculée dont Madame Majesté parlait depuis la veille, elle montra beaucoup d'empressement. Elle la regardait avec son gai sourire, où il y avait une pointe de surprise, d'incrédulité discrète, comme la sourde moquerie d'une belle fille, folle de son corps, en présence d'une virginité si enfantine et attardée. Mais la vendeuse adroite qu'elle était se répandit en paroles aimables. « Ah, mademoiselle, je serais si heureuse de vous vendre. C'est tellement beau, votre miracle. Voyez, tout le magasin est à vous. Nous avons le plus grand choix. » Marie était gênée. « Je vous remercie, vous êtes bien aimable. « Nous ne venons vous acheter que de petites choses. »« Si vous le permettez, » dit M. de Guersin, « nous allons faire notre choix nous-mêmes. »« Eh bien, c'est cela. Choisissez, monsieur. Ensuite, nous verrons. » Et comme d'autres clients entraient, Apolline les oublia, reprit son métier de jolie vendeuse, avec des mots de caresse, des gestes de séduction, surtout pour les hommes, qu'elle ne laissait partir que les poches pleines d'achats. Il restait 2 francs à M. de Guersin sur le louis que Blanche, sa fille aînée, lui avait glissé au départ comme argent de poche. Aussi n'osait-il trop se lancer dans son choix. Mais Pierre déclara qu'on lui causerait beaucoup de peine si on ne lui permettait pas d'offrir à ses amis les quelques objets qu'ils emporteraient de Lourdes. Dès lors, il fut convenu qu'on choisirait d'abord un cadeau pour Blanche, puis que Marie et son père prendraient chacun le souvenir qui lui plairait le mieux. « Ne nous pressons pas !» répétait M. de Guersin très égayé. « Voyons, Marie, cherche bien. Qu'est-ce qui ferait le plus de plaisir à Blanche ?» Tous les trois regardaient, furetaient, fouillaient. Seulement, leur indécision augmentait à mesure qu'ils passaient d'un objet à un autre. Le vaste magasin, avec ses comptoirs, ses vitrines, ses cases qui le garnissaient du haut en bas, était une mer aux flots sans nombre, en débordement de tous les articles religieux imaginables. Il y avait les chapelets, des liasses de chapelets pendues le long des murs, des tas de chapelets dans les tiroirs, depuis les humbles chapelets à 20 sous la dizaine, jusqu'aux chapelets de bois odorant, d'agate, de lapis, chaînés d'or ou d'argent. Et certains, immense, fait pour ceindre à double tour le cou et la taille, montrait des grains travaillés, gros comme des noix, espacés par des têtes de mort. Il y avait les médailles, une pluie de médailles, des médailles à pleine boîte, de toutes les grandeurs, de toutes les matières, les plus humbles et les plus précieuses, portant des inscriptions diverses, représentant la basilique, la grotte, l'Immaculée Conception, gravées, repoussées, émaillées, soignées ou fabriquées à la grosse, selon les bourses. Il y avait les saintes vierges, les petites, les grandes, en zinc, en bois, en ivoire, en plâtre surtout, les unes d'une blancheur nue, les autres peintes de couleurs vives, reproduisant à l'infini la description faite par Bernadette, le visage aimable et souriant, le voile très long, l'écharpe bleue, les roses d'or sur les pieds, mais avec des modifications légères pour chaque modèle, de façon à garantir la propriété de l'éditeur. Et c'était un autre flot d'articles religieux. Les 100 variétés de scapulaires, les 1000 clichés de l'imagerie dévote, des gravures fines, des chromolithographies violentes, que noyait un pullulement de petites images coloriées, dorées, vernies, fleuries de bouquets, ornées de dentelles. Et c'était aussi de la bijouterie. Des bagues, des broches, des bracelets, chargés d'étoiles et de croix, décorés de figures saintes. Et c'était enfin l'article Paris qui dominait, qui submergeait le reste. Des porte-crayons, des porte-monnaies, des porte-cigares, des presse-papiers, des couteaux à papier, jusqu'à des tabatières. Des objets innombrables sur lesquels revenaient sans cesse la basilique, la grotte, la Sainte Vierge, reproduites de toutes les façons, par tous les procédés connus. Dans une case à 50 centimes l'article, s'entassait un pêle-mêle de ronds de serviettes, de coquetiers et de pipes de bois, où l'apparition de Notre-Dame de Lourdes était sculptée, rayonnante. Peu à peu, M. de Guersin s'était dégoûté, envahi d'une tristesse, d'un agacement d'homme qui se piquait d'être un artiste. « Mais c'est affreux! C'est affreux, tout cela !» répétait-il à chaque nouvel article qu'il examinait. Il se soulagea en rappelant à Pierre la tentative ruineuse qu'il avait faite pour rénover l'imagerie religieuse. Les débris de sa fortune y étaient restés. Ce qui le rendait plus sévère encore devant les pauvres choses dont le magasin débordait. Avait-on jamais vu des objets d'une laideur si sotte, si prétentieuse, si compliquée? La vulgarité de l'idée, la niaiserie de l'expression le disputaient à l'habileté banale de la facture. Cela tenait de la gravure de mode, du couvercle de boîte à bonbons, des poupées de cire qui tournent chez les coiffeurs. Un art faussement joli, péniblement enfantin, sans humanité réelle, sans accent, sans sincérité aucune. Et l'architecte, lancé, ne s'arrêta plus. Dit aussi son dégoût des constructions du nouveau Lourdes, le pitoyable enlaidissement de la grotte, la monstruosité colossale des rampes, les désastreuses disproportions de l'église du Rosaire et de la basilique, celle-là trop lourde, pareille à une halle au blé, celle-ci d'une maigreur de bâtisse anémique, sans style et bâtarde. « Ah, vraiment !» finit-il par conclure. Il faut bien aimer le bon Dieu pour avoir le courage de venir l'adorer au milieu de pareilles horreurs. Ils ont tout raté, ils ont tout gâché, comme à plaisir, sans qu'un seul ait eu la minute d'émotion, de naïveté vraie, de foi sincère qui enfante les chefs-d'œuvre. Tous des malins, tous des copistes, pas un n'a donné sa chair et son âme. Et que faut-il donc pour les inspirer s'ils n'ont rien fait pousser de grand sur cette terre de miracles ? Pierre ne répondit pas. Mais s'il était singulièrement frappé par ses réflexions, il s'expliquait enfin la cause d'un malaise qu'il éprouvait depuis son arrivée à Lourdes. Ce malaise venait du désaccord entre le milieu tout moderne et la foi des siècles passés, dont on essuyait la résurrection. Il évoquait les vieilles cathédrales où frissonnait cette foi des peuples. Il revoyait les anciens objets du culte, l'imagerie, l'orfèvrerie, les saints de pierre et de bois, d'une force, d'une beauté d'expression admirable. C'était qu'en ces temps lointains, les ouvriers croyaient donner leur chair, donner leur âme dans toute la naïveté de leur émotion, comme disait M. de Guersin. Et aujourd'hui, les architectes bâtissaient les églises avec la science tranquille qu'ils mettaient à bâtir les maisons à 5 étages. De même que les objets religieux, les chapelets, les médailles, les statuettes, étaient fabriqués à la grosse dans les quartiers populeux de Paris par des ouvriers noceurs qui ne pratiquaient même pas. Aussi, quelle bimbeloterie, quelle quincaillerie de pacotille, d'un joli à faire pleurer, d'une sentimentalité niaise à soulever le cœur. Lourdes en était inondée, ravagée, enlaidie, au point d'incommoder les personnes de goût un peu délicat égarées dans ses rues. Tout cela, brutalement, jurait avec la résurrection tentée, avec les légendes, les cérémonies, les processions des âges morts. Et Pierre, tout d'un coup, pensa que la condamnation historique et sociale de Lourdes était là, que la foi est morte à jamais chez un peuple quand il ne la met plus dans les églises qu'il construit, ni dans les chapelets qu'il fabrique. Marie avait continué à fouiller les étalages avec une impatience d'enfant. Hésitant, ne trouvant rien qui lui parût digne du grand rêve d'extase qu'elle allait garder en elle. « Père, l'heure s'avance, il faut que tu me reconduises à l'hôpital. Et pour en finir, vois-tu, je donnerai à Blanche cette médaille avec cette chaîne d'argent. C'est encore ce qu'il y a de plus simple et de plus joli. Elle la portera, ça lui fera un petit bijou. Moi, je prends cette statuette de Notre-Dame de Lourdes, le petit modèle, qui est assez gentiment peint. Je la mettrai dans ma chambre, je l'entourerai de fleurs fraîches. N'est-ce pas? Ce sera très bien. » Monsieur de Guersin l'approuva, puis, revenant à son propre choix, « mon Dieu, que je suis embarrassé !» Il examinait des porte-plumes en ivoire, terminées par des boules pareilles à des pois, dans lesquels se trouvaient des photographies microscopiques. Et comme il appliquait l'œil à un des minces trous pour voir, il eut un cri d'émerveillement. « Tiens, le cirque de Gavarni! Ah, c'est prodigieux! Tout y est bien! Comment le colosse peut-il tenir là-dedans? Ma foi, je prends ce porte-plume, moi. Il est drôle, il me rappellera mon excursion. » Pierre avait simplement choisi un portrait de Bernadette, la grande photographie qui la représente à genoux, en robe noire, un foulard noué sur les cheveux, la seule, dit-on, qu'on ait faite d'après nature. Il se hâtait de payer, tous trois partaient, lorsque Madame Majesté entra, se récria, voulut absolument faire un petit cadeau à Marie, en disant que ça porterait bonheur à sa maison. « Mademoiselle, je vous en prie, prenez un scapulaire. Tenez, parmi ceux-ci, la Sainte Vierge qui vous a élue me le paiera en bonne chance. » Elle haussait la voix, elle faisait tant, que les acheteurs, dont la boutique se trouvait pleine, s'intéressèrent, regardèrent dès lors la jeune fille avec des yeux avides. C'était la popularité qui recommençait autour d'elle, qui finit même par gagner la rue, lorsque l'hôtelière alla sur le seuil de la boutique, faisant des signes aux marchands d'en face, ameutant le voisinage. « Partons-nous !» répétait Marie de plus en plus gênée. Mais son père la retint encore, en voyant un prêtre qui entrait. « Ah, monsieur l'abbé des Hermoises !» C'était en effet le bel abbé, en soutane fine, sentant bon, le visage frais, d'une gaieté tendre. Il n'avait pas vu son compagnon de la veille. Il s'était vivement approché d'Apolline, la prenant à l'écart. Et Pierre l'entendit qui disait à demi-voix « Pourquoi ne m'avez-vous pas apporté mes 3 douzaines de chapelets ce matin ?» Apolline s'était remise à rire de son roucoulement de tourterelle en le regardant en dessous, avec malice, sans répondre. « C'est pour mes petites pénitentes de Toulouse. Je voulais les mettre au fond de ma malle, et vous m'aviez offert de m'aider à serrer mon linge. » Elle riait toujours. Elle l'excitait du coin de ses jolis yeux. « Maintenant, je ne partirai que demain. Apportez-les-moi ce soir, n'est-ce pas, quand vous serez libre. C'est au bout de la rue, chez la Duchesne, la chambre meublée du rez-de-chaussée. Soyez gentille, venez vous-même. » Du bout de ses lèvres rouges, elle dit enfin en plaisantant, sans qu'il pût savoir si elle tiendrait sa promesse, « Certainement, monsieur l'abbé, j'irai. » Ils furent interrompus. Monsieur de Guersin s'était avancé pour serrer la main au prêtre. Tout de suite, ils reparlèrent du cirque de Gavarnie. Une partie délicieuse, des heures charmantes qu'ils n'oublieraient jamais. Puis, ils s'égayèrent sur le compte de leurs deux compagnons. Des ecclésiastiques peu fortunés, des braves gens dont les naïvetés les avaient amusés énormément. L'architecte finit par rappeler à son nouvel ami qu'il avait bien voulu lui promettre d'intéresser un personnage de Toulouse, 10 fois millionnaire, à ses études sur la direction des ballons. « Une première avance de 100 000 francs suffirait, » dit-il. « Comptez sur moi, » déclara l'abbé des Hermoises. « Vous n'aurez pas prié la Sainte Vierge en vain. » Mais Pierre, qui avait gardé à la main le portrait de Bernadette, venait d'être frappé de l'extraordinaire ressemblance d'Apolline avec la voyante. C'était la même face un peu massive, la même bouche trop forte, les mêmes yeux magnifiques. Et il se souvint que Madame Majesté lui avait déjà signalé cette ressemblance singulière, d'autant plus qu'Apolline avait eu la même enfance pauvre à Bartrès avant que sa tante la prît chez elle pour l'aider à tenir la boutique. Bernadette, Apolline, quel étrange rapprochement, quelle réincarnation inattendue, à 30 années de distance. Et tout d'un coup, avec cette Apolline si galamment rieuse, qui acceptait des rendez-vous, sur laquelle couraient les bruits les plus aimables, le nouveau lourde se dressa devant ses yeux. Les cochers, les marchandes de cierges, les loueuses de chambres raccrochant le client à la gare, les 100 maisons meublées aux petits logements discrets, la cohue des prêtres libres, des hospitalières passionnées, des simples passants venus là pour satisfaire leurs appétits. Puis, il y avait la rage du négoce déchaîné par la pluie des millions, la ville entière livrée au lucre, les boutiques changeant les rues en bazar, se dévorant entre elles, les hôtels vivant goulûment des pèlerins, jusqu'aux sœurs bleues qui tenaient table d'hôtes, jusqu'aux pères de la grotte qui battaient monnaie avec leurs dieux. Quelle aventure triste et effrayante! La vision d'une Bernadette si pure passionnant les foules, les faisant se ruer à l'illusion du bonheur, amenant un fleuve d'or, et dès ce jour pourrissant tout. Il avait suffi que la superstition soufflât, que de l'humanité s'entassât, que de l'argent fût apporté, pour que cet honnête coin de terre se corrompît à jamais. Où le lys candide fleurissait autrefois, poussait maintenant la rose charnelle dans le nouveau terreau de cupidité et de jouissance. Sodome était né de Bethléem depuis qu'une enfant innocente avait vu la Vierge. « Hein, que vous ai-je dit ? » s'écria Madame Majesté en s'apercevant que Pierre comparait sa nièce au portrait. « Apolline, c'est Bernadette tout craché !» La jeune fille s'approcha avec son aimable sourire, flattée d'abord de la comparaison. « Voyons, voyons !» dit l'abbé des Hermoises d'un air de vif intérêt. Il prit la photographie, compara à son tour, s'émerveilla. « C'est prodigieux! Les mêmes traits! Je n'avais pas remarqué encore. Je suis ravie, en vérité. Pourtant, » finit par déclarer Apolline, « je crois bien qu'elle avait le nez plus gros. » L'abbé, alors, eut un cri d'irrésistible admiration. « Oh! Vous êtes plus jolie! Beaucoup plus jolie, c'est évident! Mais ça ne fait rien, on vous prendrait pour les deux sœurs. » Pierre ne put s'empêcher de rire, tant il trouva le mot singulier. Ah, la pauvre Bernadette était bien morte, et elle n'avait pas de sœur. Elle n'aurait pu renaître. Elle n'était plus possible dans ce pays de cohue et de passion qu'elle avait fait. Marie, enfin, partit au bras de son père, et il fut entendu qu'ils iraient tous deux la prendre à l'hôpital pour se rendre ensemble à la gare. Dans la rue, plus de 50 personnes l'attendaient, comme en extase. On la salua, on la suivit. Une femme fit toucher la robe de la miraculée à son enfant infirme qu'elle rapportait de la grotte.